Le 1er mai, esclaves, paysans, ouvriers. Depuis des siècles, des esclaves, des paysans, des travailleurs se lèvent. Ils revendiquent le droit à une vie humaine. Dans l'histoire des esclavages et des libérations, comme dans ce livre, le 1er mai tient une place de choix. C'est un jour marqué d'un caillou blanc. Il sera souvent rougi par le sang des femmes et d'hommes sans nom. 1381, Grande-Bretagne, pendant la guerre de Cent Ans, début de la grande révolte paysanne. Journaliers, petits fermiers, artisans. Sous la conduite de Wat Tyler, les insurgés refusent de payer les impôts, s'attaquent au seigneur, au clergé et à la bourgeoisie. Ils demandent l'affranchissement général. Eh ben, ils étaient sérieusement en avance, les Anglais, à l'époque, sur les Français. Hein, ah oui. 1637, France. Les croquants révoltés contre les impôts consécutifs à la guerre de 30 ans assiègent Périgueux. 1830, France. Les ouvriers scieurs de Bordeaux brisent les scies mécaniques. 1871, France. Début du bombardement systématique du Paris de la Commune par les Versaillais. 1886, USA. Première manifestation pour la journée de 8 heures. À travers tout le pays, 190 000 travailleurs sont en grève. À Chicago, la police ouvre le feu sur les grévistes. On compte de nombreux morts et blessés. En souvenir de ce jour, l'American Federation of Labor, en 1888, ainsi que le Congrès international socialiste réuni à Paris, salle Pétrel, en 1889, décideront de faire du 1er mai une journée de lutte et de fête des travailleurs. Une journée de lutte et de fête des travailleurs. Ce n'est pas seulement la journée du muguet, hein, comme on aurait tendance à le laisser croire ou à essayer de nous le faire croire. 1er mai en 1, en France. La Bastille est prise depuis un siècle. Voici qu'à travers de nombreux pays, des travailleurs se lèvent, ensemble, le même jour, pour une même revendication. À partir de cette date, l'histoire du 1er mai reflète l'histoire de la classe ouvrière. 1890, jeudi, première journée internationale des travailleurs pour les 8 heures. On compte des millions de manifestants à travers l'Europe et l'Amérique. De tous les pays, l'Allemagne semble la plus active. En Belgique, dans les bassins miniers, 100 000 travailleurs sont en grève sur 110 000. Un rassemblement a lieu à Hyde Park, à Londres. Il n'est que le prélude au meeting gigantesque du dimanche 4 mai. Dans Rome, en état de siège, la bourgeoisie tremble. Les travailleurs polonais manifestent malgré l'occupation russe. Des grèves ont lieu au Portugal, à Porto et à Lisbonne. Des manifestations jamais vues se déroulent en Autriche. 100 000 travailleurs se rassemblent à Stockholm. L'Espagne voit une grève générale en Andalousie. Une grève tumultueuse en Catalogne et des manifestations dans 40 villes. En Suisse, où il n'y a pas eu de mesures de police, les meetings se déroulent dans le calme dans la plupart des grandes villes. À Paris, où la manifestation était interdite, 34 000 hommes de garnison sont sous les armes. Les affrontements sont violents. Les travailleurs se rassemblent aussi à Marseille, Vienne, Lens, Troyes, Vierzon, Beauvais, Amiens, Narbonne. Aux USA, les charpentiers appuyés par l'AFL, American Federation of Labor, remportent d'importants succès. La première fête de travailleurs est célébrée également à Cuba, en Argentine, en Hongrie, en Roumanie. Mais rien ne se passe dans la Russie des Tsars. Eh ben oui. Dans l'Afrique et l'Asie colonisées, sauf à Tunis. Au prix du sang. Jusqu'en 1914, année du déclenchement de la Première Guerre mondiale, les travailleurs imposent peu à peu, souvent au prix de leur sang, le 1er mai comme leur journée de lutte. 1891, France. À Fourmies, Nord, la grève interdite par les patrons commence à 9h. La foule se rassemble. Les gendarmes chargent, sabres au clair. Bagarre et arrestation. Vers 18h, les manifestants organisent une poussée pour libérer les prisonniers. Le commandant Chapuis donne ordre de tirer. Le fusil Lebel, utilisé pour la première fois, entre guillemets, fait merveille. Entre guillemets, fait merveille. 69 balles, 9 morts, 30 blessés graves. Parmi les morts, 2 enfants de 11 à 15 ans et 4 femmes de 17 à 21 ans, toutes ouvrières du textile. 1891, Irlande. D'après le rapport de délégués britanniques au Congrès de l'International à Bruxelles, le meeting de Dublin exprimait la fraternité qui doit exister entre les travailleurs anglais et irlandais. 1891. 1892, Pologne, fusillade à Łódź en Pologne russe, 30 morts. 1893, Grèce, malgré un mouvement socialiste qui se cherche encore, un premier rassemblement est organisé. 1897, Italie, un tract catholique publié à Imola condamne ceux qui font entendre la voix de la haine contre une classe coupable uniquement d'être née plus haut et d'être plus riche. Il attaque le socialisme et présente le prêtre comme son seul ennemi logique. Mais en même temps, il invite à fêter le 1er mai comme revanche contre les patrons qui font travailler le dimanche. Eh oui. 1898, Bulgarie. Bien qu'interdite, une manifestation a lieu à Sofia. La bourgeoisie croit son dernier jour venu, mais la cavalerie charge. 1898, Philippines, les États-Unis détruisent la flotte espagnole devant Manille. Aguinaldo, le leader des combattants pour la liberté des Philippines, offre ses services aux Américains en échange de la proclamation de l'indépendance de l'archipel. Il organise la lutte anti-espagnole, mais il ne sera même pas invité à la conférence de Paris qui décidera du sort des Philippines. Eh oui, les remerciements. 1900, Russie, les manifestations sont interdites, mais des tracts sont distribués. Les ouvriers manifestent à Kharkov. À Kiev, ils se rencontrent hors de la ville pour fêter le 1er mai. 1901, Russie, les ouvriers de l'usine d'armement d'Obukhov, à Saint-Pétersbourg, sont en grève. 1905, France, à Limoges, suite au lock-out dans la porcelaine et aux événements sanglants qui ont suivi, plus de 10 000 personnes manifestent, tout ça toujours le 1er mai. 1905, Pologne, l'armée tsariste tue une centaine de manifestants à Varsovie. 1906, Allemagne, à Hambourg, pour avoir fêté le 1er mai, 6 000 dockers sont mis à pied pour 10 jours. 1906, France, journée préparée par une propagande de 18 mois. À partir du 1er mai, on ne travaillera plus que 8 heures. Les manifestations sont perçues comme une grève générale pouvant amener la révolution. Est-ce la raison de leur échec ? Sur 8 millions de travailleurs, 200 000 à 300 000 seulement bougent. 1907, Chili. Un petit parti socialiste existant dans le pays, le 1er mai est célébré pour la première fois à Santiago du Chili, à Valparaiso et au centre minier d'Iquique. 1909, Argentine. Comme déjà en 1903 et 1904, où il y a eu chaque fois deux morts, la répression de manifestations organisées à Buenos Aires par la FORA, Fédération Obrera Regional Argentina, fait 9 morts. 1912, Brésil. Le Parti Socialiste est fondé lors de la célébration du 1er mai. 1913, Mexique. Pendant la Révolution mexicaine, première journée des travailleurs pour les 8 heures. Le repos dominical et l'indemnisation en cas d'accident de travail. Au meeting regroupant 200 000 personnes, on affirme « Pas de haine de race, pas de division de credo. Pour le travailleur, il n'y a pas de patrie que le monde et de religion que la justice sociale. » 1913, Philippines, organisation du Congrès ouvrier des Philippines avec Crisanto Evangelista comme président. À partir de ce jour, différentes fédérations ouvrières vont être fondées. Guerre à la guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, le 1er mai, célébré d'abord timidement puis avec plus d'assurance, devient un des moments où s'exprime la volonté de paix et de changement de société des travailleurs. Changement de société. 1915, Russie. D'après les archives de la police tsariste, de nombreuses usines sont en grève. 1916, 637e jour de la Première Guerre mondiale. On compte déjà 3 millions de morts ou de blessés. Dans les pays en guerre, les manifestations se font plus vigoureuses. 1916, Allemagne. Malgré l'état de siège, le groupe Spartacus, si vous préférez, fraction la plus avancée de la social-démocratie, convoque le peuple à une grande manifestation à Berlin. Que quiconque est contre la guerre vienne le 1er mai à 8h du soir au Potsdamer Platz à Berlin. Dupin, la liberté, la paix. Environ 10 000 personnes bravent l'état de siège. Karl Liebknecht fait un discours qui lui vaudra une condamnation de 4 ans de forteresse. L'Allemagne nouvelle a l'inaliénable droit de se taire. Taisez-vous, qui voyez dépérir la chair de votre chair et les os de vos os. Taisez-vous quand vos petits manquent de pain. Taisez-vous, cœur de mère et de femme, que la guerre dessèche. Taisez-vous et n'en écrivez rien à ceux du front. Bien entendu. 1916, Suisse. La conférence internationale de Kintal, qui s'est terminée la veille, date sa déclaration symboliquement de ce jour. Il n'y a qu'un moyen définitif d'augmenter les guerres futures, c'est la conquête du gouvernement et de la propriété capitaliste par les peuples eux-mêmes. 1917, Indonésie. Première célébration du 1er mai en Asie à la maison du marais de Whampoa. 1917, Roumanie. Des soldats russes qui se trouvent en Moldavie organisent une grande manifestation à laquelle participent les socialistes roumains à Iași. Des prisonniers sont libérés. 1917, Russie. Pour la première fois dans le monde, le 1er mai est célébré dans la liesse dans un pays en révolution. 50 jours après la chute du tsar, cela n'empêche pas le ministre des Affaires étrangères du gouvernement bourgeois d'adresser une note aux pays alliés sur la poursuite de la guerre jusqu'au bout. Espoir révolutionnaire. Après la Première Guerre mondiale et la Révolution russe, le 1er mai devient un des moments où les espoirs de changement de société s'expriment de plus en plus fortement dans tous les continents. 1919, Algérie, à l'appel des militants. Plus de 100 000 travailleurs participent au défilé. On chante l'international, on crie « Vive Lénine, vive Jaurès, vive Trotsky !» 1919, Allemagne. Pour la première fois le 1er mai, la fête officielle du travail. À Berlin, sur la place Royale, 100 000 personnes manifestent. Le chancelier Scheidemann loue les acquis de la Révolution tout en mettant en garde contre les grèves qui ruineraient les entreprises. 1919, encore, Allemagne, les troupes réactionnaires marchent sur Munich pour abattre la République des conseils proclamée par les ouvriers et les soldats. Des centaines de travailleurs sont tués, la République des conseils de Bavière est écrasée. C'est la porte ouverte au fascisme, au nazisme. 1919, France. Malgré l'interdiction de Clemenceau à l'appel de la CGT, 500 000 personnes manifestent à Paris pour la démobilisation totale, la fin de l'intervention militaire contre la révolution russe et l'amnistie pour les prisonniers politiques. 1919, Hongrie, alors que les armées roumaines ne sont qu'à 100 km de la capitale, la République des conseils de Bela Kun, s'efforce d'organiser un 1er mai qui mobilise les masses. 1919, Italie, Gramsci, Tasca, Terracini, Togliatti lancent un hebdomadaire de culture socialiste, l'Ordine Nuovo. 1919, Russie, parution du numéro 1 de l'Internationale communiste, organe officiel de la 3e Internationale. 1920, Chine. Quelques centaines d'ouvriers représentant cette organisation se réunissent pour la première célébration de la fête du travail en Chine. 1920, France. 14 ans après le 1er mai de 1906, nouvelle tentative de grève générale. L'humanité, avec un H majuscule de ce jour, écrit « La force ouvrière s'ébranle. Pour appuyer les cheminots, la CGT déclenche la grève des mineurs, des inscrits maritimes et des dockers. Cette grève qui s'engage par vagues successives s'essoufflera rapidement. Les cheminots tiendront le plus longtemps. 1920, Italie, après l'avancée du Parti socialiste aux élections. Le 1er mai se fête comme l'aurore d'une victoire. 1920, Japon, première fête du travail célébrée dans le parc Ueno à Tokyo. 1920, Russie, dans le cadre de la lutte contre la désorganisation de l'économie, on demande aux ouvriers soviétiques de travailler le 1er mai. 1923, Allemagne, échec d'une tentative de putsch de Hitler à Munich. 1923, Italie, après la prise du pouvoir par Mussolini, grèves et manifestations sont interdites. Les journaux L'Unità, communiste, et Avanti, socialiste, sont saisis. Les fascistes mettent le feu à la Bourse du Travail de Milan. 1925, Chine, réunion du premier congrès paysan de la province de Canton, en même temps que du second congrès panchinois du travail. Les 210 000 adhérents sont appelés à imposer la réduction des rentes foncières. C'est à cette époque que Mao Tse-tung comprend quelle est la force révolutionnaire des paysans et qu'il définit sa stratégie révolutionnaire. 1925, Égypte. Le journal Al-Hisab, le décompte ou carte sur table, propose son programme qui consiste à organiser les ouvriers dans des syndicats qui leur sont propres. 1925, Liban, création du Parti du Peuple, le futur Parti communiste. 1926, Grande-Bretagne, date choisie pour le début de la grève générale. 1926, Pays-Bas, le numéro spécial de Make Lock, la cloche de mai, dénonce le martyr de l'Indonésie coloniale. Aux prises avec les fascistes. Alors que Mussolini, Salazar, Hitler, Franco et tous les fascistes tyrannisent l'Europe, le 1er mai, malgré les essais de récupération, est un des lieux de l'affrontement entre les dictatures et le mouvement ouvrier. 1927, Portugal. Toléré jusqu'en 1926, la célébration du 1er mai est interdite par la dictature et se traduira chaque année par des tentatives de rassemblement réprimées par la police. 1929, Allemagne. 1er mai sanglant à Berlin. Malgré l'interdiction, il y a 200 000 manifestants. La police ouvre le feu. Le soir, on compte 10 morts. La lutte continue les jours suivants et fera 33 morts et 200 blessés parmi les ouvriers. Si on les avait un peu aidés, Hitler ne serait pas arrivé au pouvoir quelque temps après. Et on aurait évité la Deuxième Guerre mondiale. Mais voilà, on ne les a pas aidés. 1930, Algérie. Un tract en français et en arabe, distribué à 2500 exemplaires, porte le titre « Travailleurs coloniaux pour un 1er mai de bataille ». 1930, Allemagne. Des marins de bateaux espagnols en escale à Hambourg participent à la manifestation du 1er mai. 1930, France. La colère éclate chez les ouvriers de la potasse du Haut-Rhin. Le matin, 75% et l'après-midi, 95% ne rejoignent pas leur poste de travail. 1933, Allemagne. Hitler a sommé les syndicats allemands d'organiser en commun avec le parti nazi les manifestations de masse du 1er mai. À Berlin, plus d'un million de manifestants répondent à cet ordre. Le lendemain, les syndicats seront décapités. 1933, Autriche. La classe ouvrière manifeste malgré l'interdiction gouvernementale. 1934, Autriche, après la répression sanglante de février, Le chancelier Dollfuss imite Hitler et fait de ce jour une fête nationale du travail. Il choisit cette date pour proclamer l'État corporatif. L'État corporatif. Voilà. Ils sont brillants, ces gens-là. Les partis sont remplacés par les représentants des différentes professions sans pouvoir législatif. 1934, France, Paris est en état de siège. 12 régiments d'infanterie et 10 escadrons de cavalerie y sont concentrés. Lors des affrontements, les travailleurs se retirent dans les quartiers ouvriers. 1934, Grande-Bretagne. Manifestation gigantesque à Londres, où l'on proclame « Le fascisme, c'est la guerre ». 1935, Irak, une insurrection paysanne éclate au cœur des tribus d'Iwaniya et s'étend. Les premiers succès seront suivis d'une répression terrible qui créera un malaise politique dans tout le pays. 1936, Espagne, manifestation du Front populaire à Madrid. 1937, France, apogée de la puissance ouvrière. Après un an de Front populaire, le 1er mai revêt une ampleur inégalée. 1937, Pologne, face à la menace de Hitler. L'unité des travailleurs s'est ressoudée. 100 000 manifestants parcourent les rues de Varsovie au cri de « Aide à l'Espagne républicaine, suppression des camps de concentration », qui n'étaient pas encore des camps d'extermination. Mais il y avait déjà des camps de concentration et qui servaient très bien à terroriser toute une partie de la population allemande. 1938, Vietnam, à Hanoï, une manifestation organisée par les communistes rassemble des dizaines de milliers de travailleurs vietnamiens et français qui fraternisent. 1939, Bulgarie, après des répressions, des manifestations du 1er mai dans les années passées, leur gouvernement, à l'instar de l'Allemagne, organise des défilés officiels. 1939, France. Dernier 1er mai avant la Deuxième Guerre mondiale. L'atmosphère est tellement lourde que la CGT n'a pas donné le mot d'ordre de grève précis pour ce lundi. Il y aura cependant des milliers de grévistes et de nombreuses révocations pour fait de grève. 1943, France. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. Journée de grève et de manifestation dans laquelle lutte ouvrière et espoir de libération nationale se marient. 24 heures à Grenoble dans la métallurgie, le bâtiment, le textile. 24 heures à Lyon dans le bâtiment, une grande partie de la métallurgie. Des gens bien courageux, hein. Ah, mais qui étaient minoritaires, forcément. Toujours minoritaires ceux qui bougent. 1944, France. Le plateau des Glières, dans le massif des Aravis, où le maquis a été dispersé par l'armée nazie et la milice donc des Français, dans un combat meurtrier de plusieurs semaines, est de nouveau occupé par les troupes de la Résistance. Il reste tant à faire. Depuis 1945, le 1er mai, suspect, toléré ou officialisé selon les pays et les gouvernements, reste un des moments privilégiés où s'expriment les luttes et les espoirs de la classe ouvrière dans un monde où la justice est loin d'être réalisée. 1946, Japon. Après 10 ans d'interdiction, la fête du travail est célébrée à nouveau. Quelques 2 millions de travailleurs participent à ce 17e 1er mai. 1947, Espagne. Presque tous les centres importants de Vizcaya sont en grève. 75% des travailleurs, soit 50 000 ouvriers, y participent. Les revendications sont essentiellement économiques. Il s'en suivra arrestation et licenciement. 1947, France. Un tract de grévistes de Renault est largement diffusé dans le cortège syndical. 1951, Allemagne. Environ 600 000 Allemands de l'Est et de l'Ouest manifestent à Berlin sur la place de la République. Ils demandent la paix, la liberté et une Allemagne unie. 1951, Iran. L'Anglo-Iran Company est nationalisée. 1952, Japon. La 23e fête du travail se transforme en 1er mai sanglant. 1955, Vatican. L'Église catholique crée la fête de Saint-Joseph, artisan, célébrée le 1er mai. Pie XII précise sa pensée, recevant ainsi la consécration chrétienne, bien loin de réveiller les discordes, elle, cette fête, sera une invitation périodique à la société moderne à parachever ce qui manque encore à la paix sociale. Fermons les guillemets. 1962, Portugal, sous la dictature, manifestation à Lisbonne, au cri de « Abba Salazar ! Nous avons faim, assassin !» La police à cheval charge, un mort et des dizaines de blessés. 1963, Afrique du Sud. Les autorités du pays, prétextant que le 1er mai a des implications politiques, disent qu'il vaut mieux que les syndicats renoncent à toute manifestation ce jour-là, quitte à reporter la fête du travail à une autre date. 1964, Espagne, en plein franquisme. 2000 manifestants tiennent la Gran Via de Bilbao. Ils revendiquent la liberté syndicale. 1967, Espagne. Dans plus de 20 villes, les ouvriers manifestent. La population et des membres du clergé y participent. Il y a des centaines d'arrestations. Autrefois, on se demandait le soir du 1er mai combien d'églises ont été brûlées. Aujourd'hui, on se demande combien de prêtres ont été arrêtés. 1968, Tchécoslovaquie. Alexandre Dubček succède à Novotny. La lente évolution qui va conduire au printemps de Prague se précise. Pour la première fois, un mouvement de réforme démocratique s'engage à l'intérieur du Parti communiste. Un socialisme à visage humain va-t-il apparaître ? 1969, Belgique. Léon Collard lance un appel pour le rassemblement des progressistes. 1969, Inde. Un jeune leader populaire bengali, Kunkani Sanyal, proclame la naissance du Parti communiste marxiste-léniniste de l'Inde contre le révisionnisme du Parti communiste indien. 1974, Portugal. Explosion de joie après la révolution des œillets. Il n'y a plus d'incident, mais un pays, en fait, adhère à la révolution. C'est la première manifestation légale depuis 48 ans, au cri de « Le peuple uni ne sera jamais vaincu ». 1975, Vietnam. Grande kermesse de la victoire après l'entrée des troupes du Nord à Saïgon. 1976, Italie. Accord à Rome sur le contrôle ouvrier entre la Fédération syndicale de la métallurgie et le patronat. 1977, Salvador. 35 militants du Bloco Popolare Revolucionario occupent la cathédrale pour demander la libération de 5 dirigeants syndicaux emprisonnés. 1980, Philippines. Malgré la loi martiale en vigueur depuis 8 ans, 40 000 personnes manifestent. 1982, Pologne, à Varsovie, on célèbre deux 1er mai, celui de la Pologne officielle et celui de quelques 50 000 manifestants sympathisants de Solidarité. 1983, Uruguay, à Montevideo, une manifestation rassemble 100 000 personnes demandant le rétablissement des libertés publiques. Chaque année, 530 personnes meurent d'un accident du travail. Il n'en est jamais question dans les médias. La catégorie sociale qui apparaît le moins à l'écran, ce sont les ouvriers et employés, alors qu'ils forment l'immense majorité de la population active de ce pays. Il y a un mépris de classe, signé Jean-Luc Mélenchon. Grosse frayeur pour les équipes de Saint-Laurent. Ce dimanche, 22 avril 2018, le réacteur numéro 2 a été mis à l'arrêt d'urgence suite au déclenchement du système de protection incendie équipant une pompe du circuit primaire. Ces pompes sont essentielles car elles assurent la circulation de l'eau dans le circuit primaire et donc le refroidissement du combustible au cœur du réacteur. Aucun départ de feu n'a cependant été constaté. Après avoir réalisé des contrôles approfondis, les équipes ont conclu que le problème venait du système de protection incendie en lui-même, dit système d'aspersion, celui-ci s'étant déclenché de manière intempestive, etc., etc. Vous voyez, le nucléaire, c'est quelque chose de sûr, très, très sûr. Ah oui, c'est sûr. Thank you. 1945, 71 ans après cette date importante de notre histoire, pour les Algériens, c'est l'étincelle du déclenchement de la révolution du 1er novembre. Et pour cause, 45 000 Algériens sont tombés en martyrs sous les balles de l'armée d'occupation française et même de colons français à l'époque. Une tuerie de masse qui a touché particulièrement trois villes, tristement célèbres par ces événements sanglants, Sétif, Guelma et Kharrata. Pourtant, ce 8 mai 45 devait être un jour de fête pour cette Algérie occupée et à qui on avait promis l'indépendance contre une aide pour vaincre l'Allemagne nazie. Ce week-end, Génération Identitaire avait organisé un petit voyage au ski pour défendre nos frontières, c'est-à-dire faire péter des feux de Bengale dans la neige, déployer des banderoles et se filmer à la GoPro depuis un hélico de location, tout ça déguisé en uniforme bleu schtroumpf. Alors, j'ai une astuce pour reconnaître un identitaire d'un schtroumpf, c'est facile. Génération Identitaire, c'est des petits blancs habillés en bleu et les schtroumpfs, c'est des petits bleus habillés en blanc. Ça, c'est de l'engagement, de la prise de risque, de l'action et ça a plu à certains élus de la République, du FN à LR, jugeant ces petits jeunes pleins d'avenir et soucieux du bien commun. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, n'a pas jugé bon de mobiliser ses troupes contre les gesticulations d'une force qui n'en est pas une, selon lui, et c'est la préfecture des Hautes-Alpes qui s'est dit observatrice de ce phénomène avec attention et vigilance, sans autre réponse. Pourtant, le message des identitaires est clair. L'État est nul en matière de protection des frontières, c'est à nous de faire le boulot. En 2018, donc, nous assistons à un retour des milices en Europe dans un climat xénophobe de fin de règne de Jean-Claude Juncker, bien incapable de répondre depuis 2014 à l'enjeu migratoire et à ce courant profond qui fait couler l'Europe vers ses vieux démons. L'aveuglement ou la complaisance des pouvoirs publics est totale envers ces nouvelles milices qui fleurissent un peu partout sur le territoire, de la Ligue de défense juive à Génération Identitaire. Au-delà du ridicule des actions de ces scouts radicalisés, le mouvement Defend Europe en dit long sur cette jeunesse identitaire qui se structure au-delà des frontières françaises et entend bien devenir un courant politique majoritaire. Defend Europe, c'est comme les bronzés. Ils se retrouvent entre identitaires, un coup à la mer ou un coup au ski, et c'est toujours aussi drôle ou pathétique. L'aventure de Defend Europe à la mer avait tourné en fiasco en 2017 lorsque le mouvement avait affrété un bateau en Méditerranée, le Sea Star, pour voguer vers les côtes libyennes et menacer les opérations de secours des migrants en mer. L'équipage avait fini par émettre un signal de détresse, les autorités chypriotes avaient arrêté le capitaine. Cette jeunesse identitaire, que ni les gouvernements européens ni Bruxelles ne veulent voir comme une force politique réelle, s'engage pour défendre une Europe menacée par l'islamisation et l'immigration de masse, selon eux. Adeptes de la théorie du grand remplacement, ils veulent défendre une Europe blanche et chrétienne contre les périls du métissage et de l'islamisation. Poussés par les discours et les victoires de Viktor Orban ou de la Liga de Salvini en Italie ou encore du FPE en Autriche, le mouvement de jeunesse identitaire se structure en une force organisée de combat, comme le souhaitait Steve Bannon lors de sa tournée européenne en début d'année où il annonçait au congrès du FN à un public conquis « Soyez racistes et xénophobes et soyez-en fiers ». La question du financement de ces activités demeure. Des donations, des comptes bloqués et pourtant le mouvement Defend Europe ne semble pas souffrir du manque de moyens, allant chercher l'argent sur WeSearch, la plateforme de crowdfunding préférée de l'alt-right américaine, leur projet ayant même récolté les dons d'un ancien du Ku Klux Klan. Sur les chiffres des demandes d'asile, les réalités sont différentes pour la France ou pour l'Europe. En 2015 et 2016, le nombre de demandes d'asile dans l'Union européenne a atteint plus d'un million par an. C'est 6 fois plus qu'en 2010. En comparaison, le nombre de demandes déposées en France n'a augmenté que de 55%. Autrement dit, la France, qui en 2010 accueillait un demandeur d'asile sur 5 en Europe, moins de 48 000, n'en accueille plus aujourd'hui qu'un sur 15, moins de 75 000. Cette longue politique française de l'accueil à minima peut expliquer la facilité avec laquelle est passée la loi Asile et Migration, pendant que les Schtroumpfs des Neiges dénonçaient le laxisme de l'État en la matière. Concernant le passage au col de l'échelle, les forces de l'ordre des Hautes-Alpes n'ont pas attendu Génération Identitaire et ont refoulé à la frontière l'an dernier 1900 migrants contre 315 en 2016. Alors, nous vivons bien une époque formidable où le président d'un pays fait tout pour le rendre hyper attractif aux investisseurs et aux banquiers d'affaires et voudrait en même temps que ce pays si attirant soit un repoussoir pour ceux, en bas de la cordée, qui cherchent un avenir économique dans ce pays. Schizophrénie de classe assumée, le capitalisme de la mondialisation est un anti-humanisme et Trump et Macron se sont bien trouvés. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence, les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini plus tard en érivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma bélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Madame la ministre, chers collègues, l'ordonnance que vous nous demandez de ratifier par ce projet de loi a pour but de mettre en cohérence différents textes par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. Cette loi présente des points positifs qu'il convient de saluer, comme par exemple la réintroduction effectivement de la notion de service public hospitalier. Néanmoins, nous déplorons qu'une disposition essentielle et de bon sens de cette loi ait été supprimée entre sa version initiale et celle que nous devons mettre en cohérence. Je veux parler de l'interdiction des dépassements d'honoraires pour les praticiens de l'hôpital public dans les 20% d'activités libérales qui leur sont autorisées. C'est en effet l'objet de l'alinéa 16 de l'article 1er de ce projet qui entraîne une dérogation de l'interdiction du dépassement d'honoraires. S'il est déjà discutable que des praticiens de l'hôpital public puissent exercer en libéral dans ces murs, avec son personnel et son matériel, il nous semble aberrant qu'on les autorise à pratiquer des tarifs exorbitants, car c'est bien de cela dont il s'agit. La pratique des dépassements d'honoraires crée de fait une médecine à deux vitesses. On ne peut pas accepter qu'il en soit ainsi dans l'hôpital public. À l'entrée d'un service public, il n'est pas tolérable qu'un citoyen plus fortuné ait des facilités d'accès que la plupart des gens qui n'en ont pas. Un besoin aussi essentiel que la santé ne peut faire l'objet d'un chantage à l'argent, et le rétablissement d'un service public universel et de qualité en la matière est notre combat. En attendant, nous voulons manifester notre désaccord avec le tapis rouge qui est déroulé par cette dérogation à des praticiens adeptes de l'activité libérale qui ne représentent en réalité qu'une minorité de leurs confrères de l'hôpital public. Seuls 11% des hospitaliers du public y ont recours, selon les chiffres les plus récents du collectif associatif sur la santé. Alors pourquoi cette dérogation, si ce n'est pour cautionner une dérive qui contribue à saper l'égalité d'accès à la santé, à une heure où 3 Français sur 10 renoncent aux soins pour des raisons monétaires? Cela n'est pas digne et pas responsable. Merci. Ce premier sujet d'étude envisage la construction et les transformations du monde ouvrier en France entre 1830 qui marque le début de l'industrialisation, et 1975, date qui ouvre une longue période de crise suite aux deux chocs pétroliers. Jusqu'en 1880, la population ouvrière est peu nombreuse et encore plus réactive. On est bien souvent encore ouvrier et paysan. Après 1880, on assiste à un essor spectaculaire de l'industrie, qui va entraîner une massification du monde ouvrier, entre autres grâce au recours à l'immigration, et on va mettre en place l'organisation scientifique du travail. Après 1950, nouvelle phase de perfectionnement avec la mise en place des systèmes automatiques, l'automatisation, qui entraîne une baisse des effectifs. À partir des années 70, la crise, la concurrence internationale, entraîne les délocalisations et les licenciements. La condition ouvrière est caractérisée par des conditions de vie et de travail difficiles. Au XIXe siècle, ils sont considérés comme une menace pour l'ordre social. Dès lors, les manifestations ouvrières sont sévèrement réprimées, comme à Lyon en 1831. Après 1880, le socialisme progresse, les syndicats émergent, la CGT en 1895, et des partis politiques défendant les ouvriers apparaissent. La SFIO en 1905, la SFIC en 1920. Dès lors, on va assister à la construction d'une conscience de classe dans le combat collectif pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. En 1936, la population porte au pouvoir une coalition de gauche, le Front Populaire. Il s'ensuit une grève massive qui va déboucher sur les accords Matignon qui permettent aux ouvriers d'améliorer considérablement leurs conditions de vie et de travail. Ils bénéficient en effet désormais de congés payés, de la semaine de 40 heures, d'une augmentation de salaire et de la reconnaissance du droit syndical. En 1968, les accords de Grenelle accorderont de nouveau aux ouvriers une augmentation de salaire et une réduction du temps de travail. La culture ouvrière est une culture originale, ni bourgeoise, ni paysanne. Elle s'est construite dans le travail restant une valeur fondamentale, et dans le quotidien, dans la vie de la cité, au bistrot, dans la rue. Après 1936, la baisse de la durée du travail favorise l'essor des loisirs. Les sociétés musicales déjà nombreuses progressent et le sport se développe, que l'on soit acteur ou spectateur. Elle s'est distinguée par ses actes de résistance, de courage, de bienveillance. L'altiligérienne Germaine Tillon a incarné les valeurs de la République. Et le 27 mai prochain, ses cendres entreront au Panthéon. Alors samedi 28 mars, l'association Germaine Tillon Mémoire d'Allègre organisait une journée en son honneur. Engagement, amour de l'humanité, combat contre l'oppression, liberté d'expression et d'action. Attention portée aux autres, c'est quelqu'un qui n'a pas arrêté de mettre en mouvement, l'esprit républicain. J'ai pas d'autre. C'est l'incarnation de l'esprit républicain. Germaine Tillon est née à Allègre le 30 mai 1907. Elle a vécu sa petite enfance dans cette maison avec sa sœur Françoise et ses parents, Émilie et Lucien Tillon. Après avoir terminé ses études de lettres, puis d'ethnologie, elle réalisera 4 missions en Algérie, puis elle participera au tout premier réseau de résistance. Elle sera dénoncée, arrêtée en 1942, puis déportée avec sa mère dans le camp de concentration Ravensbrück. Elle avait une admiration sans borne pour sa mère. D'ailleurs, sa mère s'était engagée dans la résistance en même temps qu'elle. Hein. Elle a été trahie dans les mêmes conditions, hein, puisque c'est un agent double qui les a vendus à l'Allemagne. Hein. Et Germaine Tillon a retrouvé sa mère, Émilie Tillon, à Ravensbrück. Il y avait le tri, ce qu'on appelait le tri, hein, ce que les Allemands appelaient le tri. Ceux qui étaient en âge de travailler, ils allaient dans une direction, et ceux qui n'étaient pas en âge de travailler, ils allaient au four crématoire directement. Et sa mère avait des cheveux blancs, elle était âgée, et elle est partie directement au four crématoire. Elle fait ce que vont faire la plupart des résistants. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est la précocité de ce mouvement. Courage, détermination, engagement, liberté d'expression, des mots-clés souvent utilisés pour définir Germaine Tillon. Pour moi, c'est une grande âme, si vous me permettez cette expression. Je pense qu'elle est quelque part parmi... Je pense qu'elle n'a pas eu d'enfant, et je pense que quelque part, elle est comme Lucie Aubrac. Elle nous a fait comprendre que lorsqu'une génération s'était battue pour les valeurs de la République, il y avait une responsabilité de la génération suivante. À Allègre, une rue porte le nom de Germaine Tillon. La résistante et ethnologue française est décédée le 19 avril 2008, chez elle, dans le Val-de-Marne. Elle fera son entrée au Panthéon. Dans la commune, c'était fête, et tous les braves travailleurs chantaient gaiement la chansonnette, buvant le vin des trois couleurs. Lorsque sur la place, un bruit d'armes, interrompant leur gai festin, vint tout à coup jeter l'alarme, avec l'ordre rompez le mutin. Sans craindre la menace, les braves travailleurs, au milieu de la place, se partageaient des fleurs. Le cœur plein d'allégresse, ils chantèrent toujours la grande Marseillaise, l'hymne de nos amours. Quand aveuglés par la colère, on crie en joue lorsque soudain un soldat aperçoit sa mère défaillante sur le chemin. Non, dit-il, la face blêmie, je ne puis, non, pardonnez-moi, je ne puis retirer la vie à celle à qui mon cœur la doit. Alors, plein de tendresse, l'enfant le cœur meurtri de sa mère en détresse, baisa le front pâli, d'effroi presque mourante, oubliant sa douleur sous sa main caressante, la pressa sur son cœur. On imagine toujours les révolutionnaires en hommes. Ils portent évidemment culottes, on les entend haranguer les foules, et parfois ils font le coup de feu sur une barricade. Bref, la révolution est une affaire trop sérieuse pour être confiée à de faibles femmes. Erreur, grossière erreur, et nous avons choisi aujourd'hui de saluer la mémoire de quatre personnages hors du commun. Olympe de Gouges, Louise Michel, Rosa Luxembourg et Dolores Ibaruri. Pour dire la vérité, nous allons évoquer là quatre destins plutôt tragiques, mais ces quatre femmes, par leur courage, leur engagement et leur détermination, méritent qu'on leur rende hommage. Il y en a d'autres, bien sûr, mais ces quatre personnages illustrent différents contextes historiques et montrent certains caractères spécifiques de l'engagement révolutionnaire au féminin, notamment l'irréductibilité de leur caractère et de leurs convictions. Leur engagement, vous le verrez, est total et très souvent marqué par la valeur universelle de leur sacrifice. Leur combat se situe en un lieu et en un temps précis, mais il vaut pour les femmes du monde entier. En clair, à quelques rares exceptions près, elles ne font pas de la politique pour leur seule ambition personnelle. La révolution, c'est un moment de violence parce que ça remet en cause les cadres de la pensée, le cadre de vie et les modèles que nous avons généralement accepté. Il y a une deuxième définition, plus personnelle, plus intime, voire plus romantique, qui est d'associer la révolution à un peuple en marche qui veut se libérer d'une situation qui ne lui convient pas en espérant un monde meilleur, du passé faisant table rase. Pour moi, la révolution, s'il faut la définir, c'est le fait que chaque individu prenne en main son destin et prenne en main, je dirais, le destin du monde. Un rêve, un espoir et une illusion. Thank you. la fin. Révolution, un nom féminin, mais au panthéon des grandes figures révolutionnaires, ce sont des hommes qui trônent. Les femmes aussi ont été actrices de l'histoire, une histoire qui les a longtemps oubliées. L'esclave, debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. De cette amnésie, quelques noms émergent. Olympe de Gouges, Louise Michel, Rosa Luxembourg ou Dolores Ibarruri. Quatre femmes, quatre destins exceptionnels, quatre emblèmes de cette révolution au féminin. La révolution féminine, je l'associerais à des figures comme Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt, Rose Lacombe, Louise Michel, Clara Zetkin, Rosa Luxembourg, et puis peut-être plus proche encore de nous, toutes les figures de la révolution espagnole, Dolores Ibarruri, mais aussi des femmes moins connues comme Sara Berenguer. Mais en même temps, toutes ces figures sont un peu les arbres qui cachent la forêt des femmes révolutionnaires qui sont restées dans l'anonymat et qui forment la foule révolutionnaire au féminin. Parce que sans cette foule-là, il n'y a pas de grande figure, il n'y a de grande figure révolutionnaire que parce qu'il y a des peuples en révolution. À mes yeux, Olympe de Gouges restera pour l'éternité celle qui incarne la révolution française, même s'il y en a d'autres, parce que c'est elle qui non seulement s'est battue pour les droits des Noirs, pour plus de justice, l'éducation, mais parce qu'elle a fait une chose admirable, c'est qu'elle a écrit la Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne. Olympe de Gouges a été l'une des voix les plus audacieuses de la Révolution. La Révolution française, celle avec un grand R. Une voix visionnaire et humaniste, la voix de l'universalisme. Marie Gouze est née en 1748 ou 1755, l'incertitude demeure sur son année de naissance, dans une famille modeste de la région de Montauban. Sa mère est servante et son père boucher, même si elle prétend avoir été la fille illégitime du marquis poète Lefranc de Pompignan. Elle reçoit une éducation très sommaire avant d'être mariée à 16 ans à un homme âgé. Mère à 17 ans, elle se retrouve veuve quelques mois plus tard. Ayant recouvré une liberté à laquelle elle restera attachée, elle rejoint sa sœur à Paris. Nous sommes en 1787, la France va mal. Crise de la monarchie, crise de société, révoltes agraires, disette. Le contexte est propice aux idées nouvelles répandues depuis le siècle des Lumières. Marie Gouze commence à écrire des pièces de théâtre qu'elle signe Olympe de Gouges, utilisant la scène comme tribune politique. Son premier pamphlet paraît le 6 novembre 1788 à la une du Journal Général de France. Il est intitulé « Lettre au peuple, un projet d'une caisse patriotique par une citoyenne ». Elle propose un impôt payé par tous les ordres. Encouragée par son premier succès, elle récidive avec « Remarques patriotiques », vaste programme de réforme sociale qui prône une taxe sur les signes extérieurs de richesse, réclame des ateliers d'État pour les ouvriers sans travail, des centres de soins et d'accueil pour les veuves, les vieillards et les orphelins. Le 24 janvier 1789, le roi Louis XVI convoque les États généraux qui ne s'étaient pas réunis depuis 1614. Le peuple rédige les cahiers de doléances. Peu de textes sont écrits par les femmes. Le 5 mai, les États généraux sont ouverts à Versailles. Le 9 juillet, l'Assemblée nationale constituante est proclamée, mais le peuple se révolte et le 14, hommes et femmes s'emparent de la Bastille, symbole du pouvoir monarchique. Le 26 août, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est proclamée. C'est la première fois que on change, comment dirais-je, les valeurs d'une société. Que la hiérarchie laisse place à un désir immense d'égalité. Et les femmes ont partie liée avec ce combat. Et pendant 2 ans, je dirais de 89 à 91, début 92, des femmes s'engagent dans le combat révolutionnaire parce qu'elles pensent que l'égalité doit s'appliquer à elles aussi. Et donc, je dirais que c'est le moment où on voit des femmes dans des clubs, créer des clubs de femmes, aller aux Jacobins, intéressées par la parole politique. Olympe de Gouges, avec celles qu'on appellera plus tard les tricoteuses, parce qu'elles suivent les débats avec leurs enfants et leurs ouvrages, passe la plupart de son temps dans les tribunes de l'Assemblée nationale. Selon la pratique de l'époque, elle affiche ses libelles sur les murs. Elle écrit sur tout. Les ambitions du duc d'Orléans, la corruption de certains révolutionnaires, la propreté des rues, les enfants abandonnés, les mères célibataires, le divorce. La disette touche le peuple. Et le 4 octobre, les femmes réclament du pain. Marie-Antoinette leur proposera de la brioche. Un mouvement spontané s'organise. Elles sont plusieurs milliers à se diriger sur Versailles. La révolution du ventre est en marche. L'ancien régime tombe. Et en septembre 1791, Louis XVI jure fidélité à la Constitution, ratifiant ainsi son préambule, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes obtiennent le droit de vote, mais pas les femmes. Et comme Condorcet, Olympe dénonce cette exclusion. Olympe de Gouges rédige alors la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qu'elle dédie à Marie-Antoinette, qui n'a pas non plus le droit de vote, montrant ainsi que la condition féminine dépasse les clivages politiques et sociaux. Miroir au féminin. Pendant de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce texte proclame dans son article 1er « La femme naît libre et demeure égale en droit à l'homme ». Mais Olympe de Gouges ne défend pas seulement les femmes, elle poursuit son combat pour l'universalité des droits commencé avant la Révolution. Ainsi, horrifiée par le sort des Noirs dans les plantations coloniales, elle est une des premières voix à exprimer sa réprobation. Elle en fait le thème de sa pièce de théâtre « Zamore et Mirza » ou « L'heureux naufrage » en 1785. Elle sera jouée au Théâtre Français pendant la Révolution. Puis elle publie un essai sur l'esclavage et devient membre de la Société des Amis des Noirs. Ouvre la porte à tous les possibles. Olympe de Gouges défend les orphelins et les bâtards, réclame la constitution de jury populaire pour juger les crimes. Milite pour l'abolition de la peine de mort, allant jusqu'à se proposer pour défendre Louis XVI aux côtés de Malesherbes. Bien des femmes participent à la vie politique dans les rues et dans les clubs révolutionnaires, sortant ainsi de leur rôle traditionnel, ce que leur reproche la presse. Olympe de Gouges, comme Théroigne et de Méricourt, sont qualifiées de furies de guillotine, assoiffées de sang. Elles sont injuriées jusque dans leur intimité. Les autres femmes, celles du peuple et de la bourgeoisie, ne comprennent pas le combat que mènent ces nouvelles révolutionnaires. Elles n'ont pas été suivies ni entendues, je dirais, de la majorité des femmes, dans quelques milieux que ce soit. Alors, il est vrai qu'il y a, pendant 2 ans, quelques centaines de femmes qui veulent participer à des clubs de femmes, mais c'est quelques centaines, pas plus. Et les autres les regardent sans tendresse. Est-ce parce que, finalement, Jean-Jacques Rousseau, avec l'Émile, avec la nouvelle Héloïse, avait convaincu l'immense majorité des femmes que c'était le chemin à ne pas prendre. Et que, au contraire, le destin féminin devait les cantonner dans le retour à la maison et les valeurs traditionnelles. Révoltée par la terreur, Olympe de Gouges se rapproche des Girondins et dénonce les massacres. Elle part en guerre contre Robespierre qui l'a traité d'animal amphibie. Elle se moque de son discours sexiste et le caricature dans une lettre pleine d'ironie. Fourmi vit avec une blessure, celle du 1er mai 1891. Ce jour devait être une fête du monde ouvrier. Il s'est transformé en drame historique que Jean-Louis nous raconte. Eh bien Jean-Louis, le 1er mai, on est vaguement au courant de la tragédie, hein, mais comment ça s'est passé vraiment ? Dans cette petite ville où, qui a ses habitudes et ses codes, on va dire que le climat social se détériore brutalement lorsque les industriels, prétextant une baisse de bénéfices, décident d'abaisser les salaires. Donc on a un climat social qui se tend et qui favorise évidemment la pénétration des idées socialistes. Le 1er mai 91 à Fourmi, c'est la rencontre finalement entre un jeune mouvement ouvrier, une grande aspiration d'un jeune mouvement ouvrier, et en face un énorme silence, un pesant silence des autorités et des responsables politiques. Un silence qui mènera au drame. Devant la montée des idées socialistes, les puissants de Fourmi commencent à paniquer. Alors pour la fête ouvrière du 1er mai, ils font venir l'armée. L'impensable se produit. La troupe se sent débordée par l'ardeur des manifestants. Elle ouvre le feu sur la foule. À 18h25, le commandant Chaput s'écrie « Feu, feu rapide, visez le porte-drapeau ». Donc combien de victimes ? On compte 9 morts et 33 blessés. Et parmi ces 9 morts, il y a donc 2 enfants de 12 et 16 ans, ainsi que 3 jeunes filles de 18 ans. Et de nos jours, le 1er mai, qu'est-ce qu'il devient ? Mais écoutez, au lendemain de la fusillade, le 1er mai est immédiatement récupéré et utilisé à des fins politiques, à des fins philosophiques, etc. Et on peut dire qu'au début du XXe siècle, il reste une des dates repères du mouvement ouvrier français. Il sort le bout de son nez quand arrive le mois de mai. Il sort le bout de son nez quand arrive le mois de mai. Le muguet, le muguet. Le muguet du 1er mai, le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. On le cueille dans la forêt pour en faire un gros bouquet. On le cueille dans la forêt pour en faire un gros bouquet. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai, le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Il est toujours bienvenu et fleuri au coin des rues. Il est toujours bienvenu et fleuri au coin des rues. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. C'est un vrai porte-bonheur, c'est la plus jolie des fleurs. C'est un vrai porte-bonheur, c'est la plus jolie des fleurs. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Je l'ai mis dans le salon, il parfume la maison. Je l'ai mis dans le salon, il parfume la maison. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Après Athènes, la Sorbonne et Francfort, Emmanuel Macron a fait un nouveau discours sur l'Europe, à Strasbourg cette fois-ci, au Parlement européen, le temple de la démocratie européenne. Petit discours cette fois, dans la forme et dans le fond. Pas de mots compliqués, pas de Sisyphe perdant son latin ou de carabistouille. Le seul mot marrant était somnambule. Et sinon, pas de très grande déclaration d'amour et un ton nettement moins messianique et plus techno auquel le grand timonier européen ne nous avait pas habitués ces derniers temps. Il faut saluer la constance du président de la République dans sa célébration de mai 68 et son tropisme maoïste, appelant son livre Confession Révolution et lançant depuis Strasbourg une grande marche pour l'Europe tout en assurant le bouillonnement des universités et des luttes à domicile. Alors, cette Europe du futur, à quoi donc est-ce qu'elle ressemble, dites-moi donc ? Eh bien, Pour Emmanuel Macron, quatre priorités sont sur le tapis et doivent prendre une forme concrète avant les élections de 2019 pour garantir la souveraineté européenne et ne pas perdre la face. L'immigration d'abord, avec des avancées concrètes sur le règlement de Dublin et un programme de solidarité européenne pour soutenir les collectivités locales qui accueillent des réfugiés. La taxation du numérique et des GAFA ensuite. Une réforme de l'union économique et monétaire avec une feuille de route sur l'union bancaire et une capacité budgétaire de la zone européenne qui annonce, qui a recueilli très peu d'applaudissements dans l'Assemblée et ce, sans étonnement. Et la culture, avec les lois sur le droit d'auteur et la protection des créateurs. Voilà. Bien sûr, il a aussi parlé de l'importance de nos fondamentaux démocratiques face à la fascination des régimes illibéraux et autoritaires et de l'importance de la démocratie européenne respectueuse des droits humains et des minorités. À se demander s'il avait lu la loi Collomb avant d'arriver à Strasbourg. Évidemment, pas un seul mot sur l'importance de la lutte contre l'évasion fiscale dans cette feuille de route, oubli freudien, qui en dit long sur le sens des priorités à l'Élysée et à Bruxelles. Pauvre Pierre Moscovici qui se retrouve oublié du discours présidentiel malgré son travail acharné de lutte contre les paradis fiscaux. C'est parfois injuste l'engagement en politique. Et la démocratie européenne, me direz-vous, où est-elle? Eh bien, Emmanuel Macron propose de relancer un espace public européen laissé en friche avec des dialogues citoyens. Chance unique de savoir ce que veulent les citoyens européens, à part des sous et moins d'impôts évidemment. Bon, on peut parler de coup de com' concernant ces consultations citoyennes qui devaient à l'origine être des conventions démocratiques mais qui ont été revues à la baisse. Faut pas déconner non plus. Il s'agit d'un énième instrument de la fabrique de ce graal impossible qu'est l'opinion publique européenne. Enquêtes, sondages, consultations en ligne, l'UE consciente du déficit démocratique a tout essayé pour faire remonter les idées des citoyens et leur donner l'impression qu'ils participent de près à la construction du projet européen. Ces efforts montrent surtout le manque de lien démocratique entre les institutions européennes et les populations, et ce depuis toujours. Rappelons-nous, et en silence, non pas le plan A ni le plan B, mais le plan D de la Commission européenne pour démocratie, dialogue et débat. C'était en 2005. En 2005, si je me souviens bien, c'était plutôt le plan DTC qui a prévalu. Mais avant, il y avait eu aussi le dialogue national pour l'Europe, lancé en France en 1996 par Michel Barnier, qui était alors un petit secrétaire d'État aux affaires européennes. Déjà à l'époque, il s'agissait d'informer les Français sur les questions européennes, de recueillir leurs espoirs et leurs craintes face à l'intégration communautaire et de définir la place de la France en Europe. Alors pourquoi recommencer la manœuvre? Cette fois-ci, la proposition d'Emmanuel Macron sert surtout de prétexte pour lancer la campagne d'En Marche aux européennes. Car une question demeure. Une fois organisés ces débats, les forums, quelle sera l'exploitation des résultats et la traduction réelle dans les politiques européennes? Peut-être dans les programmes des partis? Eh bien justement, parlons sérieusement de l'avenir de l'Europe, et notamment de l'accord de Lisbonne, signé le 14 avril dernier entre la France insoumise, Podemos et le Bloc de gauche, et qui propose la vraie révolution citoyenne en Europe contre les politiques monétaires de l'austérité. Emmanuel Macron disait dans son discours ne pas vouloir appartenir à une génération de somnambules qui a oublié ce qu'elle devait à la génération précédente. Eh bien, c'est bien de cela qu'il s'agit dans cet accord. Protéger, pérenniser les victoires issues des luttes sociales de nos parents et grands-parents pour défendre l'idéal de justice européen. Alors, ne boudons pas les débats citoyens sur l'avenir de l'Europe qui vont avoir lieu. Bien au contraire, allons y débattre. Faire entendre cette voix de l'Europe du futur, celle qu'attendent les peuples, celle de la démocratie contre l'oligarchie, celle de la protection, de la justice et de la paix. Et nous ne manquerons pas, bien sûr, d'organiser de grands débats sur ce plateau si cher à votre cœur. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les ouvriers endurent un travail épuisant et des patrons intransigeants pour des salaires dérisoires, afin de ne pas perdre leur emploi. Pourtant, des révoltes éclatent contre la misère. Révolte des Canuts, ouvriers de la soie de Lyon en 1831, ou Commune de Paris en 1871. Illégales jusqu'en 1864, les grèves sont durement réprimées par la troupe. Dépourvus de toute protection sociale, les ouvriers ne peuvent compter que sur quelques sociétés de secours mutuels. Autorisés en 1884, les syndicats stimulent la combativité des ouvriers contre le patronat, surtout la Confédération Générale du Travail, CGT, créée en 1895. Les syndicats se battent sur les salaires, la durée du travail, la protection sociale, accidents, chômage, maladie, vieillesse. Des grèves très dures jalonnent la conquête des droits sociaux. Grève des mineurs de Carmaux soutenue par Jaurès en 1892, grève contre le chronométrage chez Renault en 1913. Les avancées sociales sont importantes au cours du XXe siècle, avec la diminution du temps de travail. Repos hebdomadaire en 1906, journée de 8 heures en 1919 et la création de la sécurité sociale en 1945. C'est en 1936 que les avancées sociales sont les plus marquantes, grâce à l'élection d'une majorité parlementaire composée de partis politiques ouvriers et à un gouvernement de front populaire conduit par le socialiste Léon Blum. Ce gouvernement reçoit un appui massif des ouvriers qui lance en mai-juin 1936 un grand mouvement d'occupation des usines. Gouvernement, syndicats et patronat négocient et signent alors les accords de Matignon qui fixent le temps de travail à 40 heures hebdomadaires, garantissent 2 semaines de congés payés annuels pour les travailleurs et instaurent des contrats de travail. En mai 1968, de nouvelles vagues de grèves ouvrières, notamment chez Renault, accompagnent les revendications étudiantes et aboutissent aux accords de Grenelle. 10 millions de grévistes descendent dans les rues et obtiennent entre autres une 4e semaine de congés payés et une revalorisation des salaires. L'intégration républicaine des ouvriers se fait peu à peu. En négociant avec les gouvernements et le patronat, les syndicats acceptent le jeu républicain et deviennent des partenaires sociaux. Les partis ouvriers participent au gouvernement. De plus, ces épisodes de lutte favorise la naissance d'une conscience de classe. Et je continue à faire lutter, tirant petit tirant petit tirant petit tirant petit tirant petit tirant petit. Le Parlement a ouvert la porte à l'introduction du féminisme sous sa forme la plus nocive, la femme électeur, qui engendrera bientôt la femme députée, puis la femme homme, le monstre hybride et répugnant. La femme exerce une fonction d'une importance capitale dans une nation. C'est la femme qui dispense la vie. C'est elle qui élève l'enfant et façonne l'âme des peuples. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi, j'ai toujours le cœur gai et je continue à faire lutter. T'es tant de tirli, tant de tirli, tant de tirli, tant de tirli, d'arrom de tirli, d'idlom, d'arrom de tirli, d'idlom. L'entrée des femmes dans la politique serait pour notre province un malheur. Rien ne le justifie. Il n'est plus possible à la femme de vivre enfermée dans les murs de son foyer. Il lui faut travailler librement au relèvement d'une société qui a besoin de son influence et de la pleine expression de sa personne humaine.

Le 1er mai, il est toujours essentiel parce que c'est une journée de lutte et de solidarité internationale. Et dans un contexte où les idées nauséabondes montent en France et dans toute l'Europe, bah, montrer que le monde du travail est solidaire, c'est important. Et puis, pour nous, c'est aussi conjuguer notre opposition résolue au Front National. Et certains essayent de minimiser notre engagement. Je crois qu'il suffit de reprendre les déclarations des dirigeants du Front National sur la CGT pour savoir qu'ils ne nous aiment pas et qu'on leur rend bien. Mais qu'en même temps, on ne peut pas se lamenter à chaque élection, après, au soir du premier tour, de la montée du Front National et puis derrière ne rien faire. Donc conjuguer lutte contre le Front National et lutte pour le progrès social, pour un mieux-être des salariés, ça va, c'est évident que ça va ensemble. Et je crois que la montée du Front National est aussi la conséquence de désengagement, de promesses non tenues. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant à ce 1er mai. Par toute la terre, chaque prolétaire a frémi d'un immense espoir. Ce dos vieux dos d'un splendide élan ont rejeté soudain leur carcan, ont pris le pouvoir. Ce dos vieux dos, la victoire entière par toute la terre ne viendra qu'après mains efforts. Ce dos et dos ont lancé l'action. L'Espagne a touché du doigt l'essor des révolutions. Oviedo, c'est d'Urga tranquille, de la mine hostile, armée d'explosifs de chantier. Sous leurs barrettes en bourgeron noir, ont pris d'assaut. Alexis, pour ta chronique européenne, tu vas nous parler de la Catalogne. C'est ça. Alors la Catalogne, on va en parler souvent parce que c'est pour moi un petit sitcom que j'ai baptisé « On n'est pas sorti de l'auberge espagnole ». Et on en a parlé lundi sur ce plateau et ce ne sera pas fini parce qu'on a appris en début de semaine que Carles Puigdemont, qui est le leader de l'indépendance, a été mis en prison en Allemagne alors qu'il tentait de rejoindre son exil belge puisqu'il est en Belgique depuis la proclamation de l'indépendance et le choix du gouvernement madrilène d'aller faire la chasse aux leaders indépendantistes. Alors ils sont plusieurs en prison aujourd'hui. Et lui avait fui justement l'Espagne pour mener à bien l'indépendance de la Catalogne à distance. Tout avait été fait par la Cour constitutionnelle pour empêcher justement Carles Puigdemont de prendre l'investiture puisqu'il avait été nommé leader et président de la région catalane à distance. Donc il n'a pas souhaité se rendre et finalement il a refusé cette investiture. Et qu'est-ce qui s'est passé si on revient sur les points forts en fait de ce feuilleton catalan depuis le référendum d'octobre? Alors le vote a eu lieu et proclamé par Puigdemont, qu'on peut qualifier soit de héros de l'indépendance, soit de troll de haut vol, selon où on se situe, sachant que ce référendum n'avait pas été validé par l'autorité madrilène. Et le vote début octobre a amené à la proclamation de l'indépendance le 27 octobre. Et suite à ça, un blocage constitutionnel, puisque Madrid a mis la région sous tutelle avec un article, qui est l'article 155, qui a permis au centre de l'Espagne, Madrid, de prendre le contrôle de la région, en suspendant l'autonomie justement de cette région et en organisant de nouvelles élections. Alors on a eu des élections qui ont eu lieu par la suite le 21 décembre, et là encore c'est les indépendants qui gardent la majorité au Parlement catalan, sachant que le parti de Mariano Rajoy qui est au pouvoir n'a fait que 4%, récupérant 3 sièges. Pour vous donner une idée de l'équilibre des pouvoirs, c'est quand même incroyable. Et malgré la coalition, puisque les indépendantistes c'est une coalition où ils sont plusieurs, et finalement, les non-indépendantistes Ciudadanos sont les grands vainqueurs de ce scrutin, enfin les vainqueurs de ce scrutin d'une certaine façon. Le processus est complètement bloqué, puisqu'il y a eu des mandats d'arrêt qui ont été lancés, et que maintenant, ces mandats d'arrêt européens poursuivent les leaders de l'indépendance pour rébellion et pour détournement de fonds publics. Ce qui est quand même cocasse quand on sait l'état du parti du PP de Mariano Rajoy qui trempe dans des affaires et qui lui aussi a des affaires en justice pour justement des détournements de fonds publics. Alors, les 25 leaders ont été inculpés pour rébellion, ce qui fait que l'élection d'un président aujourd'hui est impossible. Et le risque, et aujourd'hui on voit bien que Madrid tente de jouer la montre, puisque s'il n'y a pas d'élection d'un président de la Catalogne d'ici le 22 mai, il y aura de nouvelles élections. Ce qui ne veut pas dire que les indépendantistes vont perdre la majorité, mais possiblement. On avait lundi sur le plateau Maître Fortuny, qui est le représentant de l'ANC, le parti indépendantiste ici en France, et qui faisait état aussi de la chasse au-delà des leaders indépendantistes, de tous les élus de Catalogne, puisqu'il y a plus de 700 élus locaux qui ont organisé le référendum en octobre, qui sont également poursuivis, et 260 fonctionnaires qui ont été démis de leurs fonctions. Donc on est vraiment dans quelque chose de rapport de force qui est assez anachronique dans l'Europe de 2018. Là aussi, ce qui pose question et ce qui peut faire peur, c'est de voir que ce mouvement pacifiste peut devenir beaucoup moins la révolution des sourires, mais se radicaliser et devenir non pas violent, mais crispé sur ce qui va être la défense de la Catalogne. On l'a vu hier, le CDR, les comités de défense de la République, qui sont proches du CUP, un parti indépendantiste de la gauche, ont bloqué les routes, l'A7 et les routes nationales qui relient la Catalogne à l'Espagne, et ils ont annoncé qu'ils allaient lancer un cycle de protestation permanent à partir de cette semaine. Donc on va vraiment rentrer dans quelque chose de complexe, sachant que mettre les leaders de l'indépendance en prison, certes, mais pourquoi faire ? On ne va pas les condamner à 25 ans de prison, soyons raisonnables. Et quel est le plan de Mariano Rajoy ? Et aujourd'hui, si quelques leaders du Parti socialiste essayent d'appeler à l'apaisement et de dire qu'il faudrait parler, personne des deux côtés semble engagé sur la voie du dialogue. Alors nous partons le 15 janvier 1919, nous sommes à Berlin, le jour de la mort de Rosa Luxembourg. L'icône intellectuelle marxiste venait tout juste de sortir de prison. Des militaires sont venus la chercher à son domicile pour la conduire à l'hôtel Eden, où elle doit être interrogée. Ces militaires, en fait, ce sont des corps francs, sont des membres d'une milice. En sortant de l'hôtel, ils assomment Rosa Luxembourg d'un coup de crosse de fusil. Ils l'emmènent et dans la voiture, un des hommes va lui tirer une balle dans la tête. Son corps sera jeté au fond du Landwehr. Vers Canal. Mais pourquoi est-elle assassinée de cette manière, Franck ? Oh, parce qu'elle dérange. On est début 1919 et l'Allemagne, complètement vaincue, est en ébullition. Les ouvriers se soulèvent un peu partout. La répression est proportionnelle à l'ampleur de ce mouvement ouvriériste. Or, Rosa Luxembourg soutient les ouvriers, bien sûr. Elle a créé, avec Karl Liebknecht, la Ligue Spartakiste en hommage à Spartacus, l'esclave révolté. Il s'agit d'un groupe d'extrême gauche. Elle a aussi naguère milité avec les pacifistes contre la Première Guerre mondiale, et bien entendu, elle soutient la révolution bolchevique en Russie, même si elle garde une certaine distance avec elle, notamment quant aux méthodes répressives de Lénine. Son meurtre est devenu un symbole, hein, évidemment. Oui, bien qu'un communiqué ait tenté d'accréditer la version selon laquelle elle aurait été tuée par un groupe de citoyens. Quelques jours plus tard, on enterre un cercueil vide, puisqu'on n'a pas encore retrouvé le corps. C'est donc symboliquement que Rosa est enterrée près de Karl Liebknecht, assassiné lui aussi, parmi une trentaine d'autres victimes des répressions. Alors, au mois de mai, un corps va être repêché dans le canal et identifié autant que faire se peut, puisqu'il a passé 4 mois dans l'eau. Les assassins de Rosa Luxembourg n'écoperont que de quelques mois de prison. Quant à leur victime, elle va devenir une des grandes martyrs de la cause révolutionnaire. Elle va susciter énormément de vocations, etc. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Et sa victoire posthume, c'est que son nom est un symbole aujourd'hui. Exactement. Encore, hein, Rosa Luxembourg. C'est à peine si on s'en aperçoit. Au premier temps de la grève, il y a quelques trains qui ne roulent pas. Et les médias qui battent la mesure, répétant ce que pense le patronat. Les médias qui battent la mesure disent que la grève, ça ne prend pas. une grève des trains roulants qui nous tous nous défend, qui nous tous nous défend pour que la SNCF soit pas vache à bénef, pour que ce serait charmant. Une grève des trains roulants pour le service public. Pour le service public, c'est aussi sympathique qu'une grève des étudiants comme il y a 50 ans. Une grève des étudiants, c'est très enthousiasmant et très intéressant, toute une génération qui se lève pour dire non au classement par l'argent. Une grève des étudiants, c'est tellement entraînant. Une grève ça s'entend aussi à Carrefour pour dire non toujours au plan socio-balou. Une grève chez Air France, en lutte pour leur salaire. Ça fait une belle alliance avec les fonctionnaires qui luttent sans aisance contre l'austérité. Une grève des éboueurs pour un service public de gestion des déchets, c'est sûr, ce serait meilleur et ça tomberait à pic comme une grève des postiers. Une grève des postiers, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, pareil organisée comme si c'était le privé et puis privatisé. Une grève des magistrats, une grève des avocats pour se mobiliser, de même que les greffiers contre l'austérité et de trop longs délais. Une grève de la santé, c'est une nécessité. Pour se payer le burn-out, les budgets au compte-goutte, patients et retraités ont besoin d'être soignés. Une grève dans les EHPAD, moins remuant qu'une ZAD, mais il serait grand temps, ce système est malade de son management. Une grève tous en même temps, c'est bougrement tentant. Salaire plus 10%, semaine de 32 heures pour un avenir meilleur, comme ça serait charmant. Face au gouvernement qui ment et hontément. Contre l'austérité du président des riches, une grève tous en même temps, nous tous on vous dit chiche. Au dernier temps de la guerre, tous ensemble enfin on se bat. Au dernier temps de la guerre, en même temps tous en grève on est là. Et le peuple qui a la mesure, le peuple qui lance son combat. Et le peuple qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Et le peuple qui bat la mesure, le peuple qui lance son combat. Et le peuple qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa voie. Je, monsieur Borné-Loptu est fonctionnaire de la préfecture de police et... C'est bien, j'écorche pas votre nom, c'est non, bien ça. Non, je précise simplement que Borné, c'est mon prénom. Hein. Ah, vous appelez Loptu, c'est Loptu, ça. Loptu, ah, bon, d'accord. Ça. Parce qu'on peut confondre, on peut. Oui, non, non. Mais vous, je croyais que vous appeliez Borné Loptu avec un trait d'union. Non, non, non. Il y a une branche cadette. Vrai qu'il n'y a pas de trait d'union dans la police, alors. C'est ça. Alors, donc, monsieur Borné Loptu, vous êtes responsable, je crois, du nouveau plan pour la protection de la population. C'est cela, oui. Et alors, on reproche toujours à la police de ne pas faire son travail. On dit, oh, ben, ils font rien qu'à nous embêter, des oui. trucs comme ça. En fait, vous avez un plan maintenant alors pour protéger le citoyen. C'est ça, le plan est déjà au point, les crédits sont votés, de ce côté-là, ça va. Bon, d'accord, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Vous savez qu'il y a un grand problème, c'est le problème des agressions. Oui. Agressions nocturnes, par exemple, contre des femmes seules. Il y a de plus en plus de dames qui oui. travaillent comme caissières ou comme ouvreuses, qui rentrent tard le soir et oui. qui sont agressées dans les rues. Qu'est-ce que la police compte faire pour ça? Bon, écoutez, tout d'abord, nous allons être très stricts et nous allons faire respecter... de façon impitoyable, la limitation de vitesse à 60 km/h sur le boulevard périphérique. Bon, ça déjà c'est une bonne chose, oui. mais enfin, il n'y a pas que ça, il y a également des vieillards, vous savez oui. qu'il y a des vieillards malheureux qui oui. n'ont pas de ressources et pourtant qui sont victimes de gens qui profitent de la situation, exact, qui viennent oui. chez eux, qui, oui. les battent et qui les volent. Oui. Alors qu'est-ce que la police compte faire pour protéger nos vieillards? Bon, bah, écoutez, tout d'abord, les forces de police vont être renforcées, oui. n'est-ce pas? Des agents courageux, bien entraînés, vont ceinturer l'agglomération parisienne. Oui. Des barrages vont être établis un peu partout. Oui. Et je ne conseille pas aux petites crapules qui sévissent la nuit de dépasser les 60 km/h sur le boulevard périphérique. Bien, mais alors... Nous avons vu, monsieur Borné-Loptu, nous avons vu là oui. le problème des femmes seules, oui. des vieillards. Il y a les enfants, maintenant les petits-enfants dans le jour, n'est-ce pas? Oui. Alors dans le jour, les petits-enfants qui à l'école sont attaqués par d'odieux personnages, il y a jamais, la police n'est jamais là. Alors que compte faire la police pour protéger nos enfants? Bon, je vais vous dire d'abord une chose. Oui. Dans la police, oui. il n'y a pas de jour et pas de nuit. 24 heures sur 24, la vigilance est notre unique loi. Le jour aussi, nous sommes prêts. Et si jamais il y en a un qui dépasse les 60 km/h sur le périphérique. D'autre part, je voudrais vous dire qu'il y a quand même des agressions Comme vous me disiez, des agressions en banlieue, ça se passe surtout en banlieue, n'est-ce pas? Alors nous allons resserrer la surveillance aux portes de Paris. Nos équipes de policiers loyaux et intègres vont être sur les dents. Et je crois que pas mal de petits salopards n'échapperont pas à leur vigilance s'ils dépassent la nuit les 60 km/h sur le périphérique, naturellement. Bon. Il y a un problème qu'il faut évoquer aussi, on est bien obligé de le faire. Oui. C'est le problème de la drogue, le problème de la jeunesse. De plus en plus, il y a des affaires de drogue avec des jeunes qui sont victimes de ce poison. Ah, ça. Alors qu'est-ce que la police compte faire pour protéger nos jeunes gens? Il faut le dire. Il faut être bon, eh bien écoutez, de toute façon, notre tâche consiste aussi à sauvegarder la jeunesse. Oui. Et nous allons nous y employer. D'ailleurs, parfois, nous serons très sévères. Par exemple, vous prenez un jeune homme, un jeune garçon de 18 ans. Eh bien, même s'il est désaxé, même s'il est désorienté par cette société de consommation, comme il l'appelle, eh bien, qui s'amuse à dépasser les 60 km/h sur le boulevard périphérique, et c'est autant vous dire que ça fera mal. Alors, une dernière chose dont j'aurais parlé, c'est les grandes enquêtes. Il y a eu quand même pas mal de grands scandales. Enfin, depuis l'affaire Ben Barka jusqu'à l'affaire Markovitch, la police, on en a beaucoup parlé, mais on n'a pas de résultat. Alors, où en sont les grandes enquêtes? Bon, eh bien, je dois dire qu'en ce qui concerne l'affaire Markovitch, il n'y a rien de nouveau. Par contre, en ce qui concerne la fusillade de la rue Fontaine, il n'y a rien de fait non plus. Mais en ce qui concerne le double meurtre du café de la rue d'Alésia, l'enquête suit son cours. Ah bon. Il n'y a rien sur différentes affaires de vol à main armée, de crime, d'assassinat, ça je le reconnais, nous piétinons. Cependant, je voudrais attirer votre attention sur le fait suivant. Cette semaine, rien que cette semaine, nous avons arrêté plus de 4000 personnes. Tous ces gens étaient des pères de famille, des ouvriers, des honnêtes gens, des commerçants, des gens dont on ne se serait pas méfié au premier abord, qui semblaient honorables. Eh bien, tous ces gens que nous avons bousculés un petit peu, je le reconnais, tous ces gens que nous avons interpellés, roulaient à plus de 60 km/h sur le boulevard périphérique. Alors tout de même... Copains, regarde les rues, les flicards et les roussins. Montre leur gueule pourrie, le brut est assassin. Racaille, par ça serais-je abîmé. Un 1er mai sans flicaille, ça n'est pas un 1er mai. Un 1er mai sans flicaille, ça n'est pas un 1er mai. Copain voit malgré la rousse les bourgeois gras et pansus. Les richards ont eu la frousse dès qu'ils nous ont aperçus. Vipère, tremblez devant le primé. Un 1er mai sans colère, ce n'est pas un 1er mai. Un 1er mai sans colère, ça n'est pas un 1er mai. Copain, car à la faconde, des grands ténors endormeurs, la haine seule est féconde, la haine des affameurs. François Morel, c'est à vous. Cette semaine, une partie de la France est partie en vacances. Pour certains vacanciers, c'est l'occasion de lire, par exemple, un livre policier, le dernier Joël Dicker, pourquoi pas, La disparition de Stéphanie Meller. Si vous l'avez déjà acheté, j'espère pour vous que vous ne vous êtes pas précipité dessus dès sa sortie et que vous n'êtes pas tombé sur l'un des 300 000 exemplaires de la première impression du livre où une erreur apparaît, page 626, ligne 2, concernant le nom du meurtrier qui n'est pas le bon. Ce qui fait que le lecteur est comme une poule devant un opinel, page 626, ligne 2. Parce que quand vous vous tapez deux lignes plus 626 pages pour qu'on vous trompe sur l'identité de l'assassin, c'est quand même un petit peu ballot. Donc, si vous n'avez pas encore acheté le livre, demandez bien à votre libraire qu'il ne s'agit pas de la première impression du livre. Les éditions de Fallois ne se sont pas gênées, ils ont écoulé les 300 000 premiers exemplaires, n'ont pas prévenu les libraires, qui sont quand même les premiers contacts des lecteurs, et se sont juste